Salut tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec Marc Lalonde au micro, Lalonde des ondes, très content d'être là. Et à vous apprendre comme ça un 2 heures de musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Danny Boudreau, j'ai du Colin Power, du Jacobus. L'album de la semaine, c'est Éléphant de Sean Jobin. On va entendre également du Georgian Bay, René Ray, La Tuque Bleue, et oui, qui fête 25 ans cette année. On va entendre côté instrumental Los Gringos, Chris and the Crazy Brass, et du côté de l'Ouest, un peu de jazz avec Christian Plamondon, Suzanne Kennelly et Marie-Josée Ouimet, entre autres. Donc, bougez pas, je vous reviens dans quelques instants pour le bloc des Maritimes et le début de l'émission Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. À tantôt! Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, j'aime remercier des gens qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de vous diffuser dans votre région la plus belle, la plus grande variété musicale franco-canadienne. Merci à Vanessa Isabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes, CKJM chez Tican. Oui, FM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi au Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Bien entendu, un beau bonjour à tous ces auditeurs-là. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. C'est temps ici, vers la fin de l'été. Il y a tout le temps des Acadiens qui sont occupés du côté de Lorient, en Bretagne, là, en France, là, au Festival interceltique de Lorient, entre autres, et d'autres festivals comme ça. Donc, on va entendre des artistes comme Danny Boudreau avec Ami Breton. Il y aura aussi Vishtun, BB Box, Vishtun qui s'en vient avec un nouvel album cet automne. Et Isabelle C, qui tourne toujours Pays d'abondance, un album qui va très bien. Elle tourne toujours avec cet album-là. On va entendre « Mon père m'avait fait promettre ». La Bretagne, revoir mes amis sur la rue des montagnes, fêter toute la nuit, chanter les refrains de votre pays, les chants de marins, de soldats Louis, pas loin de Vélie. En mer, de l'autre côté de l'océan, il y a ce joli coin de terre qu'on appelle l'Orient. J'y ai vidé quelques bières et chanté quelques chansons. Ce soir, je lève mon verre.

lam. Dolly dolly dum, dolly dolly dum, dilla dolly dum, dilla dolly dum, dolly dolly dum, dolly dolly dum, dilla dolla dilla ditta dillam. De me marier bien richement. Mais il a pas tient sa promesse. Mais il a pas tient sa promesse. S'il m'a marié bien pauvrement. S'il m'a marié bien pauvrement. S'il m'a donné de vieillard bonhomme. S'il m'a donné de vieillard bonhomme. Âgé de 90 ans. Âgé de 90 ans. Non, pas de me donner un homme, non, pas de me donner un homme. Ah, j'irai de 15 ou 16 ans, yann. Ah, j'irai de 15 ou 16 ans. Quand je lui ferai réchauffer sa chemise, quand je lui ferai réchauffer sa chemise, je lui donnerai en souriant, yann. Je lui donnerai en souriant. Mais pose-toi vieillard bonhomme, mais pose-toi vieillard bonhomme. Je te la donne en richignant, yann. Je te la donne en richignant. Attends-toi petite sotte, attends-toi petite sotte. Tu parles bien trop hardiment, yann. Tu parles bien trop hardiment. Quand tu étais de sur ton père, quand tu étais de sur ton père, tu y étais bien pauvre. Tu étais bien pauvrement. Tu y avais de méchantes robes. Tu y avais de méchantes robes. Cousu avec du gros fil blanc, yann. Cousu avec du gros fil blanc. Mais à présent tu y en as quatre. Mais à présent tu y en as quatre. Cousu avec du fil d'argent, yann. Cousu avec du fil d'argent. Oh, oh, oh. Sa promesse, il m'a marié bien pauvrement, yann. Il m'a marié bien pauvrement. Il m'a marié bien pauvrement. Comme à l'habitude, je vous invite à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Et il y a plusieurs informations que je partage. Il y a même des vidéoclips, des petits clips que je partage, dont seul un petit bout de Madame Colleen Power, Colleen de Pouvoir, oui. C'est en ce moment, bon, la semaine passée plus précisément, c'était le Newfoundland and Labrador Folk Festival, dans laquelle on retrouvait une tante francophone. Donc, il y a plusieurs, quand même, plusieurs artistes francophones à Terre-Neuve. J'ai pas de produits de tout le monde, mais j'ai du produit francophone qui vient de Terre-Neuve, dont Colleen Power, de son album Terre-Neuvienne, qui est sorti quand même, je pense, au début des années 2000. Mais il y a de très bonnes chansons sur cet album-là, dont la pièce que vous pouvez voir dans le vidéoclip « Danger, danger ». qui était un de ses grands succès à l'époque, donc qui a fait fureur quand même. Et puis, on va l'écouter avec grand plaisir. J'ai réécouté cet album-là cette semaine. Des pièces comme Terre-Neuvienne, comme Vol de Terre-Neuve. Il y a des super bonnes chansons là-dessus. Elle reprend aussi C'est fragile de Luc de la Rochelière. Donc, non, c'est vraiment bien fait. Donc, on va entendre Danger, Danger, qu'elle a fait dans le cadre de la tente ou la section francophone du festival Newfoundland and Labrador Folk Festival. Aussi, si vous allez sur ma page Facebook, il y a, puis c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien fait, il y a un petit clip sur la chanson « Ma vie, c'est un movie » de Jacobus. Je vous invite à aller voir ça. Et ceux qui ont vécu les années 80 vont se rappeler de beaux souvenirs. Il y a des petits flashs assez intéressants. Donc, on va l'entendre également, Jacobus et sa chanson « Ma vie, c'est un movie ». Mais juste avant, voici une Terre-Neuvienne francophile qui serait dû de nous faire un album francophone. On va mettre un homme là-dessus. On l'écoute. Voici Colleen Power avec sa chanson « Danger, danger ». J'étais presque une femme libre. La semaine dernière, j'étais presque quittée. La semaine dernière, j'ai fermé mon cœur. Cette semaine, tu as trouvé les clés. Danger, danger. On peut se raviser. Danger, tu es mon amour maintenant. Je t'aimerai. Changer, danger, c'est vrai, on peut se raviser. La semaine dernière, j'étais presque une femme libre. La semaine dernière, j'étais presque quittée. La semaine dernière, j'ai fermé mon cœur. Cette semaine, tu as trouvé les clés. Je t'aime, danger. Ma vie c'est un movie, au TV show, au TV show. Throughout the shelf, Hollywood bound. Écoutez à Motown, préféré du country. Jackson 5, no, Alan Jackson, King et Hook, yo. Crazy about a Volvo, laissez faire la Mercury. Freddy Krueger avec des nightmares. Name drop, j'aime le code de Monte Cristo. Passion of the Christ, but je suis point croyant. Prends une bonne guest comme un clairvoyant. Ma vie c'est un movie, ma vie c'est un movie. Au TV show, au TV show. Ma vie c'est un movie, ma vie c'est un movie. Au TV show, au TV show. Yeah, rendu sur le big screen avec un F team. All in, all out, c'est ça de la big dream. Picasso c'est pop dream, pop comme un pop bomb. Faut que tu prennes un autre puff de ta big bomb. Alright, legalize pour la super size. No lies dans ma fiction, l'élection qui fait parler le monde comme un TV show. Oh, ma vie c'est un movie. Commence avec la trilogy, buzzer sur ma vie. Comme ici le retour de Jacobus, suis par le règne de Jacobus. Par la suite c'est la fin, nickname c'est le déclin de Jacobus. J'ai dit yes, ça vaut la peine de l'écouter. Yeah. Oui c'est 3 heures, popcorn avec du beurre. Le TV sur ton vent, man, leave it alone. Il fait one out hobby, golf et sur le golf course. Paye ton char, but c'est pas la même affaire. Ma vie c'est un movie, TV show, TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Yeah, ma vie c'est un movie, au TV show. Yo, il faut une bonne histoire, chien, boys et clair. Comédie ou drame, faire pleurer les madames. Yo, Kleenex des glow slam, but ça feel bon. Chien, cracky, sci-fi pour les beaux rêves. Stargate sur un date avec un milkshake. James Bond de la nouvelle écosse, c'est cliché, petit dieu, ouais. Cliché, petit dieu, ouais. Yeah, t'aimes mon accent, ça c'est bien cute. Faire comme la TV, mettre ça sur mute. Next question, c'est pas vraiment ma mission, but ma vie c'est un movie. Ma vie c'est un movie, TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Ma vie c'est un movie, au TV show. Au TV show. Toujours intéressant, ce Jacobus, Jacques Doucet, plus précisément, c'est son vrai nom. Et il fait beaucoup de collaborations ces temps-ci, entre autres avec un hit là, qui a marché beaucoup. Je perds la tête du groupe Swing. Jacobus y participe également à cette chanson-là. Donc, je trouve ça toujours intéressant de voir les mélanges comme ça. Bon, je sais que Jacobus, ça fait plusieurs années là, qu'il demeure en Ontario, dans l'Est ontarien. C'est plus près de Montréal et puis ça, c'est plus accessible pour Montréal, justement, pour toute la business. Audrey, une nouvelle, il travaille toujours sur un nouvel album qui devrait peut-être sortir cet automne. C'est à suivre, bien entendu, Jacobus. Qui est toujours en production. Donc, on va l'écouter une dernière fois pour terminer notre bloc des Maritimes avec un gars qui est très occupé, ou il sera de plus en plus occupé parce qu'il s'occupera du volet artistique au festival, au Congrès mondial acadien de 2019. Je parle bien sûr de Joseph Edgar. Ensemble, ils ont sorti un hit avec Arthur Como également. Ça s'appelle tout simplement BNB. Donc voici Jacobus, Joseph Edgar et Arthur Como. Yo man, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais soir, man? Ah man, je crois que j'ai été chill à soir. Yeah, je suis sorti tard hier soir. Yeah, so what? J'ai chaud demain, who cares, man? Ah man, seriously, il faudrait vraiment que j'arrête de sortir comme ça. Yeah, yeah, yeah. But j'ai comme descendu pour ce site, tu m'as actually callé hier pour venir sortir à soir, man. Alright, in? Just in? Alright, yeah, in ou quatre? Whatever, yeah. Bah, le samedi, je devrais toujours être habitué. Dans mon agenda, ça devrait toujours être marqué. Les mardis soirs, c'est sûr que Jacobus, ils vont m'appeler. Puis que mes mercredis matins, ils sont toujours scrappés. Moi, je gun avec les boys de brosse. Pop une bouteille, c'est le rêve avec les boys de brosse. Hot damn, où j'vais y aller si c'est wiré. Quand même, une bonne go, c'est pas bordéré. Hot damn, où j'suis gun avec les boys de brosse. Pop une bouteille, c'est le rêve avec les boys de brosse. Hot damn, où j'vais y aller si c'est wiré. Quand même, une bonne go, c'est pas bordéré. Hot damn, j'suis back à party, tourne about me saoulé. J'suis sober driver, hyper payin', tourne pour une fix. Même t'es que j'bois mon une bière avec des vannes. J'vais de la bouse, une pizza avec une hose. Avec des boys de brosse, le monsieur Jacobus, monsieur Edgar, Arthur, c'est toute la même affaire. Sortez toute la veille, des drinks, il faut les mêler. Trois shots de whisky, à filer misté. Sur le coin des bars, à toutes les mardis soirs. C'est pas du blackout, il buy it all out. C'est ça des boys de brosse, il faut que ça calm down. Hair of the dog, le temps de prendre une joke. Se rend à last call, dans le bar de minimal. Faut pas la pocket down pour avoir un booty call. Dormir jusqu'à midi pour se rendre jusqu'à. C'est là, hot damn. Moi j'suis gone avec les boys de brosse. Pop une bouteille, c'est le rêve avec les boys de brosse. Hot damn, moi j'vais y aller si c'est wiré. Quand même, une bonne go, c'est pas bordéré. Hot damn, moi j'suis gone avec les boys de brosse. Pop une bouteille, c'est le rêve avec les boys de brosse. Hot damn, moi j'vais y aller si c'est wiré. Quand même, une bonne go, c'est pas bordéré. Hot damn, Jesus Christ, jusqu'à Jesus Christ. Pour des puff puff pass, pour des puff puff rice. Des boys de chums, c'est des brands de marque. Des femmes qui drive à la Bonaparte. Le Lincoln Navigator, des drinking buddy. Titanic penetrate, sink it down le bubbly. Put the quicksand, guarantee said man. Metallica, t-shirt à la course, sur la hang. Hot damn, hot damn. Moi j'suis gone avec les boys de brosse. Pop une bouteille, c'est le rêve avec les boys de brosse. Hot damn, moi j'vais y aller si c'est wiré. Quand même, in one go, c'est pas bordéré. Hot damn, moi j'suis gone avec les boys de brosse. Pop une bouteille, c'est le rêve avec les boys de brosse. Hot damn, moi j'vais y aller si c'est wiré. Quand même, in one go, c'est pas bordéré. Hot damn, un autre paycheck au bartender. Plus les tips, puis la job, les smokes au dépanneur. Me dit qu'il faudrait que j'me trouve un truc à faire de mieux. Que si t'as payé pour finir avec un hangover. Quand même, pour que je le je me sens heureux. Même si c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Oh man, des fois j'ai dit que c'est un must. De se diviser la tête avec les boys de bras.